Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission avec des nouveaux questionnaires, cette fois sur le Royaume-Uni, toujours en présence d'Alexis. Hi. Qui posera les questions et les éléments de réponse, tandis que moi, je vous donnerai les réponses que vous aurez dans le prochain son. D'accord, donc on commence avec la première question. Quel est l'alcool typique d'Écosse? Réponse A, le whisky. Réponse B, la bière. Et réponse C, le champagne. Donc la question 2. De quelle nationalité Ruth Bradley et Ruth Kearney, tous les deux ayant joué dans Primeval saison 4 et 5? Réponse A, Angleterre. Réponse B, d'Écosse. Réponse C, d'Irlande. Question 3. Lequel de ces pays n'a pas de drapeau officiel et porte donc celui du Royaume-Uni? Réponse A, le Pays de Galles. Réponse B, l'Irlande du Nord. Et pour finir, réponse C, l'Écosse. Question 4. Lequel de ces stars ayant joué Batman est gallois? Réponse A, Christian Bale. Réponse B, Ben Affleck. Réponse C, George Clooney. Question 5. Dans quel pays se trouve Wallace Monument? Réponse A, en Angleterre. Réponse B, au Pays de Galles. Réponse C, en Écosse. Question 6. Lequel de ces mannequins anglais a la carrière la plus diversifiée? Réponse A, Alexa Chung. Réponse B, Cara Delevingne. Réponse C, Rosie Huntington-Whiteley. Donc passons à la question 7. Lequel de ces acteurs irlandais est marié à la célèbre actrice suédoise Alicia Vikander? Réponse A, Colin Farrell. Réponse B, Jason O'Mara. Réponse C, Michael Fassbender. Question 8. Quel duo du jeu Tekken est irlandais? Réponse A, Nina et Anna Williams. Réponse B, Amor King et King. Réponse C, Kazuya Mishima et Eachi Mishiya. Question 9. Dans quel pays est né le célèbre espion James Bond? Réponse A, d'Angleterre. Réponse B, d'Écosse. Réponse C, Pays de Galles. Question 10. Sur le drapeau de quel pays trouve-t-on un dragon rouge? Réponse A, Irlande. Réponse B, Écosse. Réponse C, Pays de Galles. Question 11. De quelle origine sont les célèbres super-héros Brian et Elizabeth Braddock? Réponse A, d'Écosse. Réponse B, d'Angleterre. Réponse C, d'Irlande. Question 12. Quel héros ailé est d'origine du Pays de Galles? Réponse A, Angel. Réponse B, Nighthawk. Réponse C, Pixie. Question 13. Quel monument anglais a été construit sous les ordres du célèbre Normand Guillaume le Conquérant? Réponse A, l'abbaye de Winchester. Réponse B, la tour de Londres. Question 14. D'où sont originaires les personnages suivants? Black Tom Cassidy, Sean Cassidy et Teresa Cassidy. Réponse A, Écosse. Réponse B, Pays de Galles. Réponse C, d'Irlande. Question 15. Quelle est l'origine du personnage de Tomb Raider? Réponse A, d'Écosse. Réponse B, d'Angleterre. Réponse C, d'Irlande. Question 16. Lequel de ces acteurs ayant joué Hannibal Lecter est gallois? Réponse A, Mads Mikkelsen. Réponse B, Gaspard Ulliel. Réponse C, Anthony Hopkins. Question 17. Lequel de ces trois ayant joué dans des mêmes sagas sont anglais? Réponse A, Theo James, Kat Beckinsale et Rona Mitra. Réponse B, Daniel Radcliffe, Rupert Green et Emma Watson. Réponse C, Michael Gambon, Evanna Lynch et Robbie Coltrane. Question 18. Dans quel pays du monde y a-t-il le plus d'euros? Réponse A, Irlande. Réponse B, Écosse, réponse C, en France. Question 19. Quel chevalier de la table ronde est gallois? Réponse A, Tristan. Réponse B, Perceval. Réponse C, Lancelot. Pour la dernière question, donc la question 20, laquelle de ces actrices qui a joué une compagne du Dr Who est écossaise? Réponse A, Jenan Louise Coleman. Réponse B, Karen Gillan. Réponse C, Julia Joyce.